Та-та-та-та-та-та. З'явлюся до вам. Та-та-та-та-та. Toi, me le coste toi. Ma à cause de toi, me le coste toi. Qu'est-ce que c'est que l'amour chez toi, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que l'amour chez toi, je sais pas. Dépendance, d'enfer fermé. Achat, achat, achat, chante. Notre voyage assassin de la galaxie a bombé. Si nous voulons pas rester ici, traîner ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'avais fait? N'oublie-moi jamais, jamais, relation parfaite. La la la la la la la la la la. À cause de toi, mal à cause de toi. La cause de toi, me la cause de toi.